Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Late Night Wrestles, le podcast consacré à la WWE. Avec ce soir une équipe plus fournie que d'habitude, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu, je pense, que vous n'aurez pas l'occasion plutôt d'entendre autant de voix et autant d'accents surtout, à commencer par le mien déjà, salut c'est Brousty bien sûr, l'accent du sud-ouest, et on va passer aux différents accents. Bah, je vais passer à l'accent nordiste par exemple avec Orbaz. Ah, c'est le biout, hein. Ouais, ok. Ouais, on va peut-être pas exagérer, non, non. Ouais, bon. Salut, ça va, tout va bien, ouais, bon, on passe au suivant. Voilà. Ben, salut le Niçois. Salut tout le monde. Oh non, oui. Salut. Oui, je suis un mec pressé. Ouais. Oui, nouvelle identité, oui. Oui. Effectivement, bah ouais, parce qu'on a pas mal de monde et puis quelques retours, mais d'abord, bah, un fidèle que vous avez l'habitude d'entendre, c'est Tifo. Salut Tifo. Ouais, salut tout le monde. Après, je sais pas si nous à Nantes on a vraiment un accent, mais bon. Ouais, t'as l'accent du Lexomil. Oh. Ouais, c'est ça, ça doit être ça, ouais. C'est l'accent des dépressifs. On va l'accent tester. Fatigue. Vraiment, on va tester cet accent avec le retour de Verpa, mine de rien, depuis quelques numéros qui n'étaient pas là. Salut Verpa. Salut. Je suis bien content d'être de retour. Eh oui, depuis Money in the Bank, non, je crois, quelque chose comme ça. Oui, avant les vacances. Oui, j'ai pris au moins 4 mois de vacances d'été, c'est bien, donc là je suis en pleine forme. Ah, bienvenue dans le monde des vacanciers éternels. Non, je déconne. Y'en a qui bossent. Non, je bosse, mais... Voilà, je laisse là, je retourne, je reviens pour cause d'emploi du temps. Ah ben oui, ben surtout que c'est les vacances de tout seul, forcément. On a le plaisir aussi de réentendre notre voix du Québec, Monsieur MP. Bonsoir MP. Enfin, non, bonsoir à vous tous. C'est toi, c'est 15h, ouais, 16h chez toi. Bon. Oui, il est 16h, 16h04 pour être précis, au moment qu'on enregistre l'émission. Mais ouais, je suis de retour, j'espère être là plus souvent, mais bon... Et oui, bah effectivement, bah, la fine équipe est revenue, et je pense que ça va être très dynamique, là, cette review de Hell in a Cell, où s'est passé pas mal de choses. Bon, on va parler également du Monday Night Raw qui a suivi, qui était très très animé aussi, qui a fait pas mal d'avancées. Et puis, bah, sans plus attendre, déjà le jingle avec le theme song de Hell in a Cell, tout de suite. Et rebonjour, depuis c'était l'American Airlines Arena de Miami en Floride, avec un public, je sais pas ce que vous en avez pensé déjà en prélude, qui était bien bien chaud quand même, j'ai trouvé, non? Ouais, il était, ben, c'est Miami, quoi. On pensait que WrestleMania à Miami c'était seulement parce que c'était un public mondial, mais bon, ça, là il y avait une bonne ambiance. Bon, et puis évidemment, il y a quand même quelques cas où ils se sont bien tués, mais ah, sinon, on peut pas non plus leur en vouloir. Ouais, ça, ah, on peut pas leur en vouloir, mais généralement, ouais, c'était un très bon public. Moi, je suis pas du tout d'accord, en fait. Ah bon? Moi, je l'ai pas trouvé bon. Enfin, quand je compare à l'After WrestleMania, enfin, c'est incomparable. Ah oui. Je les ai trouvés vraiment mous. Peut-être qu'après le spectacle du pay-per-view a fait qu'ils étaient mous, mais j'ai pas vraiment trouvé ça bon. Enfin, les matchs, ils sont chauds patates. Hein. Oui, après, ben, c'est un momentum, et puis c'est selon les matchs. C'est sûr que le momentum, il y avait pas mal de fans étrangers aussi au moment de WrestleMania, ça a fait la différence. Et les gars, vous parlez de WrestleMania, mais pas mal d'anglais, WrestleMania, tout il y avait lieu à New York. Hein. J'ai une connerie. C'est dans le New Jersey, WrestleMania 29. C'est non, la seule non, on parle de l'affiche. C'est WrestleMania d'avant aussi. Il y a deux ans, voilà, c'est ça. Oui, d'accord, ouais. Non, moi, je parlais de l'after, le Raw, après. Ouais, j'aurais dû préciser, désolé. Mais ouais, il y avait ça, et puis l'after Raw qui était à Miami à chaque fois. Oui, voilà, bon, c'était il y a deux ans, autant pour moi. Ouais, là, c'était New York. Je trouvais que c'était plus mitigé, moi, parce que, par contre, c'est une ville très pro-Cena. Hein. Ça m'a étonné, alors que c'est pourtant la patrie du rock, très très branchée Cena. On verra, mais moi j'ai pas trouvé. Il y a eu beaucoup de si, je trouve. Mais par contre, les Real Americans étaient assez applaudis. Je trouvais ça assez ironique en fait pour une ville comme Miami qui est quand même très branchée migration cubaine et hispanique en force. Ouais, mais c'est une tendance. Ça l'effet Césaro aussi. Ouais, ben dans toutes les salles, ils ont tendance à être applaudis ces temps-ci. Donc bon, ben on va commencer par le kick-off, si vous voulez bien, je pense, avec un petit changement de match de dernière minute. Il n'y avait pas de titre intercontinental en jeu finalement, avec Curtis Axel qui s'est blessé. Et du coup, Big E a trouvé un remplaçant. Bon, on le découvrira un peu plus tard dans le show. Et le match du kick-off, c'était sans enjeu entre Damien Sandow et Kofi Kingston, évidemment. Le fameux matcheur habituel, le bouche-trou habituel, celui dont il faut à chaque fois, je pense, pour faire un match. Victoire de Damien Sandow à 7 minutes 02. Et voilà, le panel était composé de Dolph Ziggler, Caitlyn et R-Truth. Voilà. Et puis, en commentateur à table hispanique, on a découvert le retour de Rey Mysterio. C'est bizarre, il n'y avait pas Sin Cara avec lui. Voilà, c'était plus... On a plutôt subi qu'on a découvert parce qu'il y avait des problèmes de son pendant ce pré-show assez. Oui, il y avait une dualité. Oui, c'est vrai, on entend fond. Hein, on les entendait en fond, en fait. C'était traduit en espagnol directement. Je sais pas. C'est pratique, enfin, ça. Ouais. Ça doit être bien pour les. Enfin, ceux qui regardent les shows version US, mais qui sont espagnols, enfin, je sais pas, ça devait être pas mal. Après, c'était un peu chiant, mais sinon, ce pré-show, il était sympathique, hein, sans plus. C'était un match normal, en fait. Oui, voilà, un match qu'on pourrait voir à SmackDown, à Raw, etc. Pas mauvais, pas excellent, normal. Quoi. Puis, ça servait quand même à mettre Damien Sandow un peu en avant, vu... Les événements qui a bien fait montrer qu'il serait là le soir pour éventuellement représenter une menace. Voilà, on va passer directement au show avec un match, je pense, dont on va beaucoup parler. Un explosif opener pour les titres par équipe entre les champions en titre Cody Rhodes et Goldust qui avaient pris les titres lors d'un Raw, lors d'un match sans disqualification avec l'aide du Big Show. Et ils affrontaient les ex-champions Roman Reigns et Seth Rollins et les frères Uso qui ont enfin eu leur opportunité qu'ils avaient depuis un moment, mais de rien, Jimmy et Jay, les jumeaux. Et à l'arrivée d'un match hyper endiablé, Cody Rhodes et Goldust ont conservé le titre en 14 minutes 38 secondes. Alors, que penses-tu, Renaud, de ce match exceptionnel à mon... Je trouve que... C'est un gros match, c'est un gros opener, très très bon. Avec, je trouve que la construction elle était très bien parce que souvent dans les matchs à 3 teams ou 4 teams, c'est un peu compliqué à booker. Des fois on comprend pas trop ce qui se passe et là, ça a été parfaitement bien booké. J'ai aimé la domination du Shield sur Goldust, qu'on a pris pendant pas mal pendant le match, on a pris pas mal. Et puis après, une fois qu'il a fait le changement avec Cody, ça s'est emballé. Puissance 1000 quoi, et c'était super à voir. C'est 6 catcheurs très talentueux. Content aussi pour les Ouzo qui sont dans ce match là parce qu'ils méritent largement. Et encore une fois, vous avez vu, hein, c'est ce finish de Cody Rhodes sur Seth Rollins qui le vend à la perfection. Hein. C'était déjà le cas à Battleground, et encore une fois, le Crossroads sur Rollins il est magnifique. Et moi, je note pour moi, enfin, on verra les matchs par la suite et vous donnerez votre avis aussi. Mais pour moi, c'est le meilleur combat de la soirée. Il y avait déjà eu un très bon match en tag team. À Battleground, et là il y a encore un super match en tag team. Ça fait plaisir que la division tag team retrouve un peu de son prestige. Donc c'est très bien, très très bien. Qu'en penses-tu, Perpa, de ce match? Oui, je rejoins complètement. Les 4 dernières minutes, elles sont juste extraordinaires avec l'enchaînement des finishes, cette superplex à l'extérieur qui est quand même incroyable, et avec l'enchaînement et tout ça. Il y a peut-être un petit bémol, je crois qu'il y a un petit botch au milieu, mais bon, ça passe très très bien. Mais vraiment un rythme soutenu, un public qui est directement dedans, même avec les Ouzo. Vraiment très très peu de choses à redire sur ce match, si ce n'est que c'est peut-être le meilleur opener qu'on a de l'année, tout simplement. Alors partages-tu cet avis aussi? Ah bah largement, hein, ça c'est sûr. Et le match a bénéficié d'une bonne durée, donc forcément ils ont eu le temps de s'exprimer et d'exprimer leur talent. Et j'aime beaucoup en fait la configuration à 3 équipes que je trouve beaucoup plus rythmée et encore plus rythmée que celle à 2 équipes. Puis le fait qu'il y a toujours des blank tags parce que bon, il y a une équipe qui est mise sur le côté, etc. Ça c'est très bien et du coup ça donne du rythme. Et à chaque fois on peut relancer. Ça fait que il n'y a pas eu un seul moment de réel temps mort, mis à part la domination du Shield sur Goldust. Et puis les équipes sont assez variées entre The Shield qui est plutôt en domination et puis les deux autres équipes où c'est plutôt sur du momentum et des moves un peu plus, peut-être pas aérien pour Cody Rhodes et Goldust, mais c'est plutôt ça. Et d'ailleurs, les Usos, que les oula, les Usos, que je vois bien gagner ce titre, parce que putain, ça fait 2 ans qu'ils traînent autour quand même, hein, entre début de rivalité qu'ils avaient eu avec la Hard Dynasty, tout ça. Ben voilà quoi, c'est ils traînent autour, ça ils ne gagnent 2010, jamais. 2010 même la Hard Dynasty. Ouais, 2-3 ans. Ouais, ouais. Ben, du coup, ouais. C'est dingue, hein. Et puis là, ben ça marche bien en face. Il marche bien et du coup ben ça fait plaisir et voilà du coup ben je vois pas vraiment ce qui pourrait les empêcher d'avoir ce titre peut-être pas tout de suite parce que Cody Rhodes et Goldust à mon avis l'auront encore pour 1 ou 2 mois mais je pense que leur tour arrivera. Et pour l'instant ça paraît incroyable mais ils ont jamais touché le titre tag team c'est presque historique. Et MP bah qui voyait pas ces prime time players là t'as trouvé le match. Mais on les a vus le lendemain. Plus tard, avec Papa Clown. Non, mais on les a vus même dans un tout petit segment de promotion. Ah oui, c'est vrai. WWE 2K14, là, avec Bob Backlund. Et le lendemain, ils faisaient une petite pub pour vendre des objets WWE Shop. Bon, c'est pas vraiment important, mais oui, quel push. Peut-être qu'ils vont passer à la porte un jour aussi. À Cody Rhodes, ça on a quand même un petit push. Ouais. Bon, pour la qualité du match, je suis très d'accord avec vous. C'est probablement le meilleur match du show sans aucune hésitation parce que j'ai envie de dire c'est peut-être le seul vraiment gros match qu'on va retenir, peut-être avec le main event, mais c'est pas non plus un show qui a marqué par sa qualité, j'ai envie de dire. Puis c'était vraiment le meilleur match du show et comme vous l'avez dit, l'action n'a pas arrêté vraiment vers la fin. Tout s'enchaînait très bien, aucun botch. J'aimerais peut-être revenir un peu aussi sur les propos d'Orbaz concernant ben, ce qui va arriver finalement avec les Usos. On a vu les Real Americans qui ont battu justement Goldust et Cody Rhodes le lendemain à Raw. J'ai l'impression qu'on se dirige peut-être plus un programme Real Americans contre Goldust et Cody Rhodes, peut-être au prochain pay-per-view Survivor Series, plus qu'une confrontation contre les Usos, quoi. Vas-y, moi je trouve que les cartes sont pas mal brouillées quand même, parce que les Real Americans tard, je sais pas, on sait pas trop les types. En fait, étant donné que les Usos sont face, les faire affronter Cody Rhodes et Goldust c'est pas terrible. Enfin, je pense que c'est pas le choix le plus judicieux. Et je voulais revenir sur Goldust, que je trouve étonnamment populaire. Parce que je me souviens, il y a encore, je crois que c'était il y a 2 ans avec Ted DiBiase, ou 2-3 ans encore une fois. Voilà quoi, c'est pas le mec. En même temps, hein, si je peux me permettre, c'est pas le même calibre, c'est pas la même chose. Mais même le mec, il sort un petit peu de nulle part. Enfin, il sort un peu de nulle part. Je m'exprime mal, mais c'est le mec qui a jamais eu vraiment une grande popularité. Et là, je le trouve étonnamment ben bien populaire auprès du public. Il a de bonnes réactions, etc. Et, On l'a très bien remis sur le devant de la scène. Quand on l'a fait revenir, on a montré plusieurs vignettes. Son match contre Orton était très important. Il a donné du temps dans la peine. Je trouve que ça a été très bien fait. C'est celui-là qui a enclenché le tout, je pense. Même. Ouais. Moi, ça me rappelle beaucoup 2002, parce que 2002, il était très populaire aussi avec Booker T. Là aussi, il revenait de nulle part. Et de l'avoir mis avec Booker T, ça avait vraiment aidé Goldust à bien revenir. Là, ça me fait penser un peu à ça. Là, ils l'ont remis avec Cody et ça marche très bien. Donc, je trouve que c'est vraiment très proche de 2002 dans la façon de faire. Et bah, l'avis de Tifo aussi sur le match. Ouais, bah, de toute façon, vous avez quasiment tout dit. Hein. Ce match était un sacré pied, vraiment. Moi, j'aurais jamais cru que ça aurait été... Oui, pour moi, c'est également le match de la soirée. Je l'aurais jamais cru en début de show, hein, vraiment. Et comme l'a dit Orbaz, moi, je voudrais surtout revenir sur les Usos qui... Ils sont vraiment impressionnants. Je les revois encore au tout début. Ouais, c'était donc 2010. Je les aimais pas vraiment, je les trouvais pas bons. Et là, ils font une progression vraiment exceptionnelle. Maintenant, c'est vraiment une équipe, une valeur sûre de la fédération. Hein. Ils arrivent à porter le match et tout. Ils font vraiment des trucs innovants, on va dire. Enfin, c'est vraiment, moi, je suis vraiment séduit par les Usos. Vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont toucher le titre très prochainement. Mais sinon, le match était vraiment très bon. C'était vraiment parfait pour un opener. Il y a du monde qui est d'accord avec toi, hein, parce que là, je vais donner quelques réactions aux auditeurs. Merci beaucoup déjà pour vos réactions, toujours très très fidèles sur Facebook. avec Grégoire Rousseau qui dit l'opener était vraiment génial, c'était exactement ce qu'il fallait pour chauffer la foule, même si elle était déjà bien chaude. J'ai rarement vu à WWE une superplex pour atterrir à l'extérieur du ring, ce moment m'a vraiment surpris. La foule était dedans et tout le monde ressort crédible dans ce match. Grégory Gourdou qui a dit bon match, le début fut timide mais au fur et à mesure le match s'est emballé, surtout à 5 minutes de la fin où là j'ai kiffé avec entre autres l'enchaînement de Cody et des Uso, homme du match Cody Rhodes, qui aurait dû avoir la mallette à la place de Sandow selon lui. Et Sébastien qui n'est pas là avec nous ce soir, qui a dit super opener, très bon rythme du début à la fin, très bien fait, dommage pour les Uso qui méritent amplement d'être champions mais qui sont toujours devant, barré par une équipe qui est un rang au-dessus, du genre Brian et Kane, Shield, les Rhodes, s'ils ne sont pas champions à ce jour, c'est une question de mauvais timing pour lui. Voilà. Donc je pense qu'on a bien tout résumé et qu'on peut passer à la suite avec un petit segment. Au départ, c'était pas vraiment un segment oui et non, c'est-à-dire que The Miz, pendant le pré-show, il a réclamé à Vicky Guerrero une petite vengeance contre la Wyatt Family qu'il avait pas mal molesté. La semaine précédente, le pay-per-view, elle lui a dit qu'il n'était pas médicalement apte, donc elle lui a pas accordé le match, mais il est quand même venu pour se battre sur ring. Bah, à l'arrivée, il s'est quand même fait démolir par la Wyatt Family, et puis Kane a fait son retour. Et puis, il a chassé la Wyatt Family, mais il a surtout mis un choc slam au Miz. Mais avant de parler de Kane, j'aimerais juste aborder un petit peu le cas de Miz avec... un message que nous avait envoyé Nasser Mzembaba en privé sur Facebook, dont je vais vous le lire, qui dit « Comme vous tous, j'ai trouvé le turn du Miz très mal abouti et incohérent, de quoi admettre un échec et être déplu de le voir en action. Toutefois, en y regardant de plus près depuis SummerSlam, son booking paraît plus net et il faut admettre qu'il passe beaucoup mieux à la télé. Certes, sa feud avec Fandango n'était pas terrible, ni le match en pay-per-view, mais le tout a été fait de manière assez propre. Je reviens sur l'autre point, son booking dès son turn. Effectivement, il a été mauvais en essayant de le mettre à tout prix en pay-per-view. Surtout que cela a été fait pour un titre intermédiaire lors de 5 sur 6, plus précisément au Royal Rumble jusqu'à Money in the Bank inclus, avec au milieu un match de pré-show contre Cody à Extreme Rules. Ce booking ressemblait fortement à celui de MVP lors de son unique saison en Raw, montré comme redoutable, mais échouant toujours si près du but pour des titres largement à sa portée. Et tout cela pour dire au final que l'exposition du Miz a été corrigée depuis son face turn. Voilà, donc, qu'avez-vous, êtes-vous d'accord? Parce que c'est vrai que on a beaucoup contesté quand même The Miz depuis qu'il est face, est-ce qu'il s'améliore, ces temps-ci? Est-ce qu'il remonte un peu la pente? Au niveau de l'attitude, au moins. Moi, je trouve pas, merci à Nasser pour son avis très détaillé. J'aime sa comparaison avec MVP parce que c'est vrai que c'est un peu ça. Il a raison sur ce point-là. Mais non, moi je dis qu'il y a quelque chose de cassé pour le Miz. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas ce qu'il peut faire. Est-ce que ça serait encore un heel turn? Moi, face, je le sens pas, ce mec. Il m'apporte rien. Tous ces matchs, les uns après les autres, et il se passe rien. Non, j'ai envie de réagir, Renaud, moi aussi. Je suis complètement d'accord avec toi. Il se passe rien. Mais même, je trouve que physiquement, enfin, je sais pas, sa tête, contrairement à avant, elle est pas bonne. Je sais pas, rien que sa coupe de cheveux, par exemple. Ah non, mais t'as raison. Je sais pas comment dire ça. C'est son physique qui dégage rien du tout. Ça fait un personnage plat. Alors qu'avant, c'était quand même quelqu'un qui avait une gueule. Une gueule, le mec, il arrivait, tu sentais qu'il avait quelque chose. Mais là, c'est fade. C'est devenu complètement fade. Je suis comme toi. Je sais pas ce qu'il pourrait faire avec lui. Je sais pas. Il n'y a plus rien. C'est vrai, franchement. On l'a mis au SummerSlam en présentateur pour qu'il soit là, en fait. Parce qu'au final, on savait pas quoi faire de lui. On sait plus trop quoi faire du Miz, quoi. Et c'est vrai qu'il t'as l'impression que c'est plus vraiment un catcheur, on sait plus quoi en faire. Alors en retour en heel, pourquoi pas, mais en heel il était très bon quand même, hein. C'est vrai qu'en heel, franchement, il a du micro le mec quand même. Hein. Mais je trouve que si tu le fais repasser en heel, enfin avec son face turn, ce serait pas crédible. Maintenant, là, ouais, je sais pas. Il y a largement moyen de le faire repasser en heel, il y a mille moyens de le faire, et à mon avis ça passerait bien avec The Miz, il est pas... Enfin, voilà, ouais, c'est... mais en tout cas faut quand même changer un peu sa gimmick, vraiment. Ouais. Faut vraiment renouveler le personnage parce que là ça il est trop fade beaucoup. Là il est trop fade, c'est exactement ça. Ouais. Mais en fait la seule utilité maintenant de The Miz, c'est qu'ils l'ont foutu dans les médias, donc avec le personnage de must see machin, etc. C'est là qu'il s'est un petit peu enterré lui-même. Ça allait bien en heel, Tu vois, c'était bien avec son côté arrogant. Mais quand ils ont voulu le garder en face, c'est là qu'il s'est un peu paumé. Ils ont voulu engendrer. Ils ont voulu faire de plus en plus de Miss TV, en faire, en faire le nouveau Piper Pit, je sais pas, en faire un truc, faire le nouveau Electril. Enfin, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec The Miz, mais il y a trop de Miss TV. C'est devenu un présentateur télé en fait. Mmh. Ah oui, ça on l'a beaucoup souligné d'ailleurs, qu'il y avait trop de Miss TV, qu'à chaque fois ça saoulait à force. Ouais. Ben en fait, ouais, c'est le catcheur, il est là pour présenter les rivalités des autres. Mais sur lui, il ne fait rien. Alors du coup, ben, ça passe pas. Puis il y a plus aucune réaction, donc c'est le moment de changer. Ouais. Après, en revenant sur le Miz, ouais, je pense que moi, l'avenir, si jamais, par exemple, il en a marre, que ce soit physiquement ou pas, est-ce qu'il pourrait pas faire avoir une place à la Justin Roberts, vu que a priori, ils ont quand même cherché pas mal. Ça pourrait toujours être une position. Position de secours sur lequel on pourrait le caser si vraiment il a plus rien à faire, mais je pense qu'il a encore un bon avenir en tant que catcheur. Je pense que le parallèle on pourrait le faire avec Drew McIntyre et Wade Barrett. Ce sont trois gars qui étaient de la même période 2010, ils étaient en haut, ils étaient des grands espoirs et tout ça. Et puis les trois en fait sont lentement descendus, ont eu des gros passages à vide, et je pense que les trois personnages en fait se sont essoufflés. Alors un peu plus pour Drew McIntyre, mais Wade Barrett c'est exactement la même chose. Son personnage s'est essoufflé, on a essayé de le repackager, on n'a pas réussi, il est revenu, il a fait une petite pause, il revient. Et là le Miz c'est un peu ça. Le Miz pourtant il a encore des qualités exceptionnelles, mais je pense qu'aussi le fait de ne plus être avec les main eventers comme il a été durant un an et demi, entre la période où il a eu sa mallette et son très long règne de champion avec son match à WrestleMania, je pense que ça lui a mis un petit contre-coup. Et le fait d'être un homme des médias, je pense pas que ce soit forcément mauvais, parce que quand on voit par exemple les rumeurs autour de Dolph Ziggler qui l'a a priori se serait fait punir pour les causes des relations et du rapport avec les médias. Par exemple, c'est quelque chose que Yves était très forte. Je pense que Le Miz est tout à fait capable de se concentrer uniquement sur ce paramètre-là, relations médias avec les Bella. Je pense que c'est les deux meilleurs ambassadeurs qu'il y a. C'est vrai que je suis assez d'accord ouais, dans ton analyse. Et puis, à mon avis, là, tous les avions ont été confrontés. Oui, vas-y. J'aimerais juste revenir sur le fait, enfin, le retour de Kane, en fait. Oui, voilà, ben on va y venir. Il se spoil tout seul, la WWE, en fait, avec les. On voit directement les pyros qui sont accrochés au coin du ring, en fait. C'est non, vrai mais vraiment. C'est vrai qu'on grille des choses. Facilement. C'est totalement grillé, on est d'accord, non? Moi, je l'avais pas vu parce que je suis très distrait. Mais par contre, là où ils se sont tirés une balle dans le pied, c'est en le faisant revenir avec The Miz, même s'il avait une histoire avec Bray Wyatt, donc ça, c'est logique. Mais le problème, c'est que The Miz, il n'y avait eu aucune réaction. Enfin, il n'y a aucune réaction par rapport à lui. Du coup, le retour de Kane, il a un peu tombé à plat. Enfin, je trouvais qu'il n'y a pas eu la réaction qu'on aurait pu espérer d'un retour de Kane. Et ben voilà, du coup, c'était pas terrible. Justement, l'avis de Grégoire Rousseau qui dit que le segment est pas mal, ça reste ambigu pour l'instant sur sa motivation. On en saura plus, lui espérer qu'il rejoigne la Wyatt Family et retrouver sa rage. Justement, le lendemain en Raw, il y a quelque chose de curieux, c'est qu'il a enlevé son masque et puis les cheveux longs qui sont des postiches évidemment, qui sont pour se livrer à Stephanie McMahon. C'est assez particulier ça, donc ils se joignent à la coalition qui se venge pas de la Wyatt Family. Moi c'est blabla, voilà. Je ne sais pas quoi penser. Et c'était un segment un peu bizarre aussi. Hein. Je sais pas. Voilà, je donne mon masque, il y a pas de souci. C'est vrai que là je vous balance sur un terrain glissant. Oui. c'est très. Bon, voilà quoi, faut attendre de voir ce qu'il y a après. Après, le faire aller avec la Wyatt Family, à mon avis, c'est une mauvaise idée, parce que c'est un personnage qui a toujours été mieux seul en tant que heel. Je précise en tant que heel, parce qu'en tant que face, il y a eu la collaboration avec Daniel Bryan qui était excellente. Mais voilà, en tant que heel, il est beaucoup mieux tout seul. Si vraiment il redevient un monster heel, je pense qu'il y aura de bonnes réactions et ce sera très bien. Après, lui faire perdre son match parce qu'il y a un film, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai. Il y a eu Sin Evil 2, oui. J'espère que Luke Rowan sera un peu meilleur. Eric Rowan sera un peu mieux avec Kane, parce que quand même, on voit qu'il a eu un peu de mal avec Kane hein, sur le beatdown. À un moment, il rate deux moves d'affilée. Ah sur le très court beatdown. J'espère qu'il s'entendra mieux avec Kane s'ils ont des matchs, parce que sinon ça va le faire. Et MP qui a un peu hâte qu'il prenne sa retraite. Bon, il a 43-44 ans maintenant. Bon, c'est vrai qu'il atteint un peu la limite. Peut-être un dernier run de seule manière, et puis après... Il est encore très correct. Il s'est battu quoi, trois fois avec, non, deux fois contre Taker et WrestleMania. On a fait leur programme en 2010. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire avec ces mecs-là, quoi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup, je trouve aussi, quand même, comme MP. Bon, moi, j'ai pas hâte qu'ils prennent spécialement sa retraite parce que bon, je peux encore offrir quelques matchs potables, mais ils ont tout fait, quoi. Qui est pas trop mauvais encore, je veux dire. Non. On l'a vu avec sa run avec Brian. Voilà. Le mec était pas mauvais, mais je veux dire, on a presque tout fait, là. Je veux dire, ça fait quoi, 16 ans qu'il est là? Je veux dire, il y a des limites un jour, quoi. Bah, peut-être que ce serait bien qu'il passe le flambeau un petit peu à la Wyatt Family, ça ferait une sorte de logique, une continuité, ce serait peut-être pas mal. Kane, on a eu 1000 retours de Kane, c'est pour ça aussi que la foule réagit pratiquement plus, c'est vrai, c'est mec, il revient tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 5 mois, enfin voilà, c'est pas bon. On va parler. Il y a personne en relève, hein. Au niveau de la relève, il y a personne, donc on est bien obligé de conserver ce qu'il y a, hein. Sinon, on là, c'est parce que t'aimes pas Bray Wyatt, hein. T'aimes pas comment il parle Bray Wyatt, je m'en souviens. Si, il est marrant Bray Wyatt, il a une gimmick exceptionnelle. Il peut aller loin. On verra justement, ouais, plus tard dans le show, plus tard dans le show, plus tard dans l'analyse, ils sont voués à aller plus loin. Mais... Ah oui. Et dans l'immédiat, on va descendre de plusieurs crans et assez rapidement, je pense, passer le match qui suit. Match mixte par équipe. Avec Fandango et Summer Rae qui ont battu The Great Khali et Natalya accompagnés par Hornswoggle en 4 minutes 39 secondes avec Summer Rae qui met un roll-up à Natalya. C'est la deuxième fois de suite qu'on voit le Great Khali en pay-per-view quand même. Les analyses rapides avec Grégoire Rousseau qui dit le match mixte par équipe tenait la route. Ouais, lui, il a bien aimé. Premier match Summer Rae et en pay-per-view, c'est vrai. Ouais, premier match tout court d'ailleurs à WWE, il me semble. Et il trouve qu'elle s'est pas mal débrouillée. Bon, moi, c'est plutôt l'inverse. Mais après, bon, il y a Sébastien qui dit qu'il a l'impression de regarder Main Event. Le show, là, qui est diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi. Qui a demandé, de ne pas mettre ce genre d'affrontement dans un programme payant. Voilà. C'est vrai. Mais bon, c'est pas une purge non plus, hein. Je pense que le match, il est regardable, quand même. Même si c'est pas extraordinaire. Ah bon? Ah, t'es quand même très gentil, Verpa, hein, franchement. Très gentil, parce que ce meurtre me vend très très mal les coups. Étonnamment, c'est terrible. Étonnamment, je vais être très indulgent vers Natalya, que je trouve souvent un peu surcotée, mais là vraiment, je pense qu'elle a fait le boulot. Bon, Great Khali passe. Great Khali, faut pas vraiment en parler parce que bon, il part de loin, hein, le gars. Je sais pas ce qu'on peut en faire, mais à part une bête de foire, on peut rien en faire d'autre. Mais bon, Summer Rae, on voit qu'elle est largement inexpérimentée, hein. Mais bon, je pense que elle peut largement avoir sa place en tant que blonde de service pour remplacer Kelly dans les 2 prochaines années. Il en faut toujours une. Donc là, en ce moment, il n'y a personne. Donc même si c'est une cruche sur le ring, c'est pas grave. C'était le tweet de Vox Catch qui disait que c'était terrible d'avoir le physique de Michelle McCool et le talent de Kelly. C'est un peu ça, ouais. C'est pas faux. Ouais, c'était... Mais sinon, vite fait, ouais, c'est un peu ça. C'est où est le décor de Main Event? Pourquoi il y a le décor de Hell in a Cell derrière ce match? Voilà, c'est bordel, ça fout quoi là? Ouais, ça a rien à faire là, ça a rien à faire en pay-per-view. Y a rien qui a été construit avec ça, j'ai rien vu entre Fandango, Great Khali, rien du tout. Enfin, après, c'est peut-être parce que j'ai zappé, mais. Non, t'as pas zappé, non. Mais voilà, quoi, ça vient de nulle part, ça sert à rien. Limite, même en kick-off, ça a pas sa place. Oui, c'était du niveau de Superstars, la mythique émission de la WWE. Ah ouais. D'ailleurs, je sais même pas qui est-ce qui est encore, parce que l'émission, on dirait qu'elle est morte et enterrée. Superstars, ça existe toujours, ça? Ça existe toujours, évidemment. C'est diffusé maintenant, dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais, c'est sur Internet, ouais, surtout. Ben, surtout par rapport à... Ça existe toujours, parce qu'il y a des contrats avec des diffuseurs étrangers, donc c'est obligé. Ouais. Faut caser. Parce qu'il y a plus personne aux États-Unis. Hein. Il y a beau avoir des milliers de chaînes sur le câble, il n'y en a pas une qui va prendre Superstars. Hein. Ben voilà, c'est par rapport à l'étranger, mais une fois que les contrats prendront fin, Superstar va dégager. Déjà que c'est le même soir que SmackDown, donc tout le monde s'en fout, quoi. Brossi, juste une petite chose, j'ai noté quand même que, donc comme t'as dit, le Great Khali était 2 fois de suite en pay-per-view, et je pense que c'était plus arrivé depuis le Rumble 2012 et l'Elimination Chamber 2012, puisqu'il avait participé au Rumble et à l'Elimination Chamber. Mais sinon, à 1 contre 1, je pense que ça doit remonter quand même à 2009, SummerSlam 2009 et Breaking Point 2009, les deux matchs contre Kane. Le Rumble, c'était le point Wikipédia. Je pense. Hein. Et je suis pas allé voir sur Wikipédia. Non, mais non, non, mais t'es notre Wikipédia. Tu es notre Wikipédia du catch. Et j'ai des DVD à la gloire de Grand Cali, donc on sait jamais. C'est pas sûr. Si quelqu'un, si les auditeurs qui écoutent. Ah oui, si vous... Il y a un petit texte en dessous, hein, si je me trompe, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah, bah, si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas, surtout par rapport au podcast. Bien sûr. Mais on va passer au prochain match avec Biggie Langston qui a eu une bonne compensation quand même. Mais il a eu le titre des États-Unis en vue contre Dean Ambrose et il a gagné par décompte extérieur en 8 minutes 43, ce qui fait quand même que du coup Ambrose quand même conserve son titre avec de bonnes impressions, je pense, sur Biggie. Je sais, par exemple, MP, t'en as pensé quoi? Mais surprenamment, j'ai aimé ce match. Je sais pas pourquoi, mais Parce qu'il était court. Parce qu'il était court. Oui, aussi, mais j'ai trouvé qu'il était quand même bien physique, quoi. Biggie s'est quand même bien ouvert à la fin du match. Oui, oui, il y a eu du sang. Et puis d'ailleurs, la WWE a publié une vidéo après le match des services médicaux qui intervenaient. Ça recousait bien, là, quand même. Et Ambrose et Langston. Hein. Et le spear à la fin du match, quoi. Je crois que je m'attendais pas à ça, quoi. Je pense que c'était peut-être un des moves du show, puis finalement c'était dans un match perdu au milieu du pay-per-view, mais bon, ça m'a quand même bien marqué. Puis bon, on a eu le rematch le lendemain à Raw qui a été coupé. On a eu finalement après un 6-man tag, mais j'ai l'impression qu'on va essayer de faire quelque chose avec Biggie, quoi, qui est pas perdu comme je le croyais finalement. Eh oui, moi aussi, c'est vrai que c'est un talent qu'on voit venir de loin. Hein. Le gars, ça fait 5 ans qu'il galère en formation à la FCW et NXT. T'as pensé quoi, Tifo, de ce rookie, quand même, qui accompagne surtout AJ? Il s'était surtout fait remarquer pour ça et qu'il a un petit peu se révèle, peut-être. Mais à la base, il devait pas faire le pré-show contre... oui, c'est ça. Ah oui, mais ça, les plans ont été révisés, du coup, donc... Et justement, moi, je trouve que ça s'est ressenti dans le match parce que on voit que c'était un match pas non plus vraiment préparé. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc voilà, j'ai pas vraiment aimé ce match. Ce qui donne plus de mérite, parce que c'est sûr que quelques heures avant, c'était pas du tout prévu ce match. Donc. Oui, c'est sûr, ça donne du mérite. Mais après, les mecs, ça reste quand même des pros. Hein. Ils peuvent toujours te sortir quelque chose. Mais ouais, c'est pas plus emballant que ça. Après, le résultat est logique. À voir s'ils vont continuer la feud. Enfin, après. Ça montre quand même qu'il y a personne vraiment pour prendre le titre de Dean Ambrose, parce que le mec devait quand même avoir un match pour le titre intercontinental et au final il se retrouve à feuder pour le titre US. Donc c'est un peu bizarre, donc c'est pas plus emballant que ça. Et avant de passer à Renaud, quelques réactions auditeurs avec Grégory Gourdou qui a dit: très bon match, Biggie m'a impressionné, sûrement son meilleur match depuis qu'il est dans le roster. Pour un big man, je le trouve assez vif, parfois trop même, et rapide dans le ring, ça change, il me fait penser à Bobby Lashley. Et Ambrose a livré lui aussi un bon match, mais il m'a moins impressionné que Langston. Sébastien a dit, c'est confirmé, je regarde bien Main Event, mais sans être en mauvaise langue, le match m'a agréablement surpris. Biggie est mille fois meilleur en face qu'en heel. Jolie prestation, l'espire de fin, comme l'a dit MP, a été un joli spot. Et Grégoire Rousseau qui a dit: j'avoue que Biggie Langston au début ne me plaisait pas trop, mais là dans ce match j'ai trouvé appliqué, c'est une bonne idée de l'avoir mis face, sinon le match était bien assez court, mais c'était suffisant. Renaud, le Biggie face te plaît, et puis Ambrose, tu vois comment son règne? Ouais, ça m'a plu. Ambrose, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire. En fait, il est moins mis en avant, Ambrose, en étant solo que l'équipe, en fait, que Seth Rollins et Roman Reigns, je trouve. Je pensais que ça allait être lui, justement, qui allait... avoir plus de spotlight. Voilà. Mais comme il a jamais de challenger précis, quoi, voilà. Donc en fait, c'est ça. Sinon, je rejoins totalement l'avis de Grégory, l'auditeur. Je suis totalement d'accord avec lui. Biggie, j'en attendais rien. Et puis finalement, c'est quand même pas mal. C'est pas mémorable non plus le match, faut pas non plus déconner, mais c'est quand même bon, quoi. Il est ultra vif malgré son gabarit, il fait quand même des choses, il s'est super bien amélioré, le mec. On attendait rien de lui. Alors quand ils sont nuls, on le dit, on n'hésite pas, mais quand ils sont bons et qu'ils deviennent bons, faut le dire. Et là, je trouve que Biggie, sur ce match-là, c'est vraiment pas mal. Alors je crois qu'il s'ouvre sous l'œil, sur son coup de bélier, en fait, quand il fait son, hein, c'est ça, hein, c'est son coup de poitrine en avant, là, sur Ambrose, en fait, il se prenait un choc tête à tête, je crois. Voilà, je crois que c'est ça. Et donc Ambrose, lui, s'ouvre sous le menton. Et oui, le spire entre les cordes, comme a dit MP. Belle image, très belle image. Donc franchement, un match que j'attends pas du tout. Et finalement, je suis agréablement surpris. Bon petit combat, voilà. Et Urbas, t'en penses quoi, justement? Parce que mine de rien, deux défaites pour The Shield, c'est une mauvaise série ces temps-ci. Moi, c'est Ambrose que j'ai trouvé un petit peu en dessous. comparé à d'habitude. Après, c'est sûrement à cause du fait que le match a été prévu à la dernière minute. C'est vrai que son, enfin voilà, son règne US, il est pas mémorable. C'est, il reste plus que lui avec la ceinture, mais bon, à mon avis, c'est plus pour très longtemps. Hein. Là, Big E, ouais, bah c'est assez remarquable, ça va. C'est, il a fait un bon match. Le spear est très impressionnant et comparé à son homologue blanc, il a plus d'espoir de grimper un petit peu dans la carte. Mais bon. Après, j'en ferai pas un main eventer hein, personnellement. À mon avis, il y a de quoi créer un bon quart d'heure solide s'il progresse comme ça. Il y a possibilité d'avoir du bon aussi au niveau micro, mais bon. Comme enfin la petite joute verbale qu'il a eue avec The Shield par exemple, j'avais plutôt apprécié en kick-off. Ouais. Bon après sinon bah ouais match correct mais sans plus franchement j'ai pas non plus. Enfin voilà je m'emmerdais un petit peu quand même. Allez vers pas. T'es emmerdé aussi. Oh pff, ça passe. Hein. Moi j'ai surtout retenu le saut à l'extérieur qui était quand même magnifique. En dehors de ça ouais c'est un match qui passe très bien. Hein. Biggie il montre de sérieux progrès. Je vais rejoindre les autres et pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et on va passer au prochain match avec un autre. Bon, on en a beaucoup parlé lors des précédents podcasts, donc je pense qu'on va pas en reparler précisément de lui, mais qui était impliqué dans un match, un big Ryback qui était allié. L'homologue avec... blanc. Oui. Qui était allié avec Paul Heyman ce coup-ci, dans un handicap, il paraît. Elle Cell tag team match, tag team non, contre handicap match plutôt contre CM Punk et CM Punk a gagné en 13 minutes 48 où il n'a affronté que Ryback et où il est monté après tout en haut de la cage là où se situait Paul Heyman depuis le tout début en fait pour lui mettre coup de kendo stick et go to sleep. Qu'as-tu pensé de ce match et de la fin Tifo, la vengeance de Punk? Bon alors déjà c'est tout naturellement que Paul Heyman monte sur une cage tout en haut, c'est normal. Enfin, moi je trouve, y a rien de plus normal. On comprend pas. Enfin, bref, après, bah, je vais pas revenir sur Ryback, hein. Je crois que je me suis assez défoulé au numéro oui, précédent. Oui. Voilà. Après. Écoutez d'ailleurs, hein. Oui. Non, bah après, moi je reste assez déçu quand même parce que CM Punk mérite mieux. Ryback me fait chier et après le pire c'est que ce match était quand même en Hell in a Cell. On t'enlevait la cage, tu mettais un match sans disqualification, bah c'était la même chose tout simplement. À part 2-3 projections dans les grilles, c'est il y a rien eu quoi. Moi en Hell in a Cell, je reprends toujours l'exemple de SummerSlam 2008 entre Edge et The Undertaker. Pour moi ça c'est un véritable Hell in a Cell match. Et quand on voit maintenant ce qui se fait maintenant, c'est même plus ça quoi. C'est ça perd en crédibilité, c'est ce genre de match quoi. Je suis très déçu quoi. Et puis même la durée du match de 13 minutes, c'est ça, t'as bien ouais. Dit ça. 13 minutes, c'est pas suffisant. Un vrai Hell in a Cell, ça doit être plus, doit y avoir plus d'intensité. Là, j'ai trouvé ça pas mou, mais voilà, c'était lent, c'était pas passionnant quoi. Bref, je suis déçu. Après, je suis content de la victoire de Punk, mais ça s'arrête là. J'espère vraiment qu'ils vont lui trouver autre chose parce que avec Ryback, il en a marre quoi. Mmh. Ah oui, ça c'est un cri du cœur général. On verra tout à l'heure là les réactions, mais et MP là, quel est ton avis sachant que là tu nous dis sur le chat que si un Punk accumule les Linocell match pourri, en même temps ça fait deux fois de suite contre Ryback, il est pas gâté. Ouais, mais justement, c'est ça aide pas d'avoir un adversaire merdique. Bon, je l'ai dit, désolé Gus, mais c'est ce que je pense. Donc ouais, mais j'ai pas trouvé que le match vraiment super, j'ai trouvé que déjà de mettre Heyman sur la cage, je trouvais ça un élément cool. La fin aussi ça a été bien j'ai trouvé ça le finish avec la table, puis la descente du coude, je trouvais ça cool. Puis je pense que ça a été suivi du GTS, donc c'était bien. Mais bon, ça n'a pas été un grand NSL, je pense pas qu'on va s'en souvenir. Pas très de. On n'a pas bien utilisé la cage, quoi. Donc en plus, je sais pas, c'était pas un match si long que ça non plus, peut-être. C'est pas une grande durée non plus. Bon, on avait un autre NSL dans la soirée quand même. C'est un peu ce défaut-là du pay-per-view d'avoir multiples matchs NSL. Puis surtout que bon, on on a vu plusieurs matchs sur cette carte-là, donc on devait réserver du temps. Puis c'est pas nécessairement une storyline qui méritait un LNSL, donc je trouve ça dommage de ce côté-là. Puis bon, je pense que ce qu'on peut retenir de ce match-là, c'est que la feud va être pas, je pense qu'elle est pas mal terminée entre CM Punk et Polyman. Je pense pas qu'il va y avoir une suite pour l'instant. J'ai l'impression que peut-être quand Brock Lesnar va revenir, on va peut-être avoir un autre match entre les deux, mais entre Punk et Lesnar, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu terminé cette feud-là. Je vois pas Punk au prochain pay-per-view. On le voit, de toute façon, il y a la Wyatt ouais. Family déjà. Donc. Je pense que c'est terminé avec Ryback et Heyman. Oui. On aura plus, d'ailleurs, le lendemain, c'est vrai, il a battu Ryback dans un Street Fight, donc c'est réglé. C'est un match très court, d'ailleurs. Ouais. 5 minutes, ouais. Bon, voilà, ouais. Mais en grand fan de CM Punk, Verpat, t'as pensé quoi d'une... CM Punk m'a pas tellement embêté. Moi, ce qui m'a plutôt embêté, c'est l'andouille qui est en train de conduire le mannequin pour envoyer sur la je pense que là il y a moyen de faire des emplois d'avenir hein, si à chaque pay-per-view on en prend un parce que c'est pas très dur mais alors soit il était pas gâté avec ses manettes ou alors il sait pas conduire parce qu'au début au début je me suis demandé si vraiment il allait pouvoir y arriver hein, parce que je crois que c'est CM Punk à un moment il regarde l'air de dire ouais bon j'espère qu'il arrive parce que sinon on va pas pouvoir mettre les mannes sur le haut de la cage et on va devoir faire 100 parce que c'est vrai que s'il avait pas pu aller sur le fond sur le haut de la cage je vois pas les mannes grimper à la main tout en haut. Ici. Donc oui, non. En dehors de ça, on va voir un match classique. Hein. Bon, Ryback se défend pas trop mal. C'est loin d'être le match de l'année, c'est pas très long. C'est sûr que c'est pas un Linocell qu'on retrouvera dans les DVD mythiques de compil dans 4, 5, 6 ans. Mais en dehors de ça, bon, c'est un match pour finir une feud. C'est pas plus mal, mais je pense qu'on aurait pu encore avoir une fin encore plus spectaculaire parce qu'en fait, bon, mettre un JTS à Paul Heyman sur le haut de la cage, bon, on pouvait faire mieux, quoi. Mais en dehors de ça, match à regardable, mais rien de bien marquant quoi. En fait, ça a passé comme une lettre à la poste et dans 3 mois on aura oublié. Et Orbas, toi qui as déjà trouvé ridicule le fait que Paul Heyman se soit planqué en haut et puis n'ait aucune solution à l'arrivée, pensais quoi de ça? Je pensais que c'était impossible de faire pire que l'année dernière et ils l'ont fait. Ah bon? Ouais, parce que franchement, je trouve que ce match encore pire parce que là, on prend Paul Heyman pour un débile mental. C'est loin d'être le manager génial qu'on sous-entend qu'il est. Genre, il a la possibilité d'être là pour aider son protégé dans la cage, etc. Bon, certes, il aurait eu certainement des, enfin, il aurait logiquement, il veut se protéger de Punk, c'est normal, mais le fait d'être à 6 mètres de hauteur au-dessus, je pense pas que ça le protège beaucoup plus. Enfin voilà, c'est très très mauvais. C'est niveau tactique, c'est très mauvais. Niveau du personnage de Heyman, c'est très mauvais. Et puis bon, au final, il se prend quand même le GTS. Donc là, ça le couvre de ridicule. C'est n'importe quoi au niveau du booking concernant Paul Heyman. Il perd tout partout, il perd sur tous les plans, Heyman. Et bon, on va pas parler de Ryback, qui là, il a même pas perdu sur tous les plans, c'est, je pense que la WWE, a abandonné tout espoir de faire quelque chose avec ce mec. Et bah voilà, donc, ils l'ont fait perdre le lendemain, et puis il va faire quelques matchs de low-card tranquillement. Il va retourner persécuter les employés du coin, et puis ça ira, hein. franchement, ce match, voilà, quoi, il m'énerve juste parce que, en fait, il m'énerve pas parce qu'il y a Ryback qui fait chier CM Punk et que CM Punk fait du coup un mauvais match. Parce que Ryback, c'est quand même le seul catcheur qui arrive à avoir un mauvais match avec CM Punk. Le reste arrive au moins à avoir un match correct, mais Ryback arrive à avoir un mauvais match avec CM Punk. C'est quand même incroyable. Mais en plus, ils font en sorte de ruiner le personnage de Paul Heyman et ça m'énerve. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'énervement aussi un petit peu dans les réactions. Grégory Gourdou qui dit qu'il espère ne plus jamais voir un Punk contre Ryback dans un ring. Le match fait un poil meilleur qu'à Night of Champions, mais c'était pas terrible. Il veut que le match se termine rapidement, lui, il en est encore plus court. Et en fait, sa satisfaction, c'était juste de voir Punk choper Heyman à la fin, quoi, comme le public attendait en fait depuis un pay-per-view de cela déjà. Fin de rivalité, pour Ryback, ça va être dur de se relever après toutes les contre-performances accumulées. Grégoire Rousseau qui dit que même avec Punk dans le ring, Ryback ralentit vraiment l'action. Seule la fin du match était fun, quand Punk monte sur la cage et démolit Heyman. Sébastien qui dit on nous promet un match handicap avec Heyman, donc l'arbitre n'aurait jamais dû faire sonner la cloche tant qu'Heyman n'était pas dans la cage. Et le beatdown à la fin est loin d'être au niveau de l'intensité de la feud. Le match en lui-même est à peine meilleur que celui de l'an dernier, mais il faut arrêter Punk Ryback, ça ne fonctionne juste pas. Voilà. Mais le fait d'avoir mis Heyman sur le haut de la cage, ça a niqué tout suspense hein, quand même. Oui, évidemment. C'est voilà, quoi, il était au-dessus de la cage, bon, bah là, c'est clair. Non, mais c'est bah, grand bah, oui, le résultat est Punk gagne, Punk gagne, Punk monte sur la cage, Punk défonce Heyman, c'était écrit. Oui, voilà. C'est voilà, c'est n'importe quoi. Bon, ouais. On va voir un peu plus facile, un peu moins facile peut-être la victoire de Los Matadores, mais qui ont gagné quand même Diego et Fernando, accompagnés par El Torito, qui ont battu les Real Americans, Jack Swagger et Antonio Cesaro, accompagnés par Zeb Colter en 5 minutes 34 secondes. Moi, je découvrais Los Matadores parce que j'avais fait une petite pause. Bon, leur entrée, mi-figue, mi-raisin. Heureusement qu'il y a Torito, hein, parce que sinon, je pense que ça sera pas la tag team de la décennie. Bon, heureusement qu'il y a quand même Zeb Colter et les Real Americans pour rigoler un peu, hein, parce que ça reste un match de bas de gamme. Hein. Je pense que les Matadores sont pas... dans un an, à mon avis, ils seront très bas dans la hiérarchie, alors qu'au contraire, Antonio Cesaro et voire Swagger peuvent revenir. Bon, en fait, un match... classique. Heureusement qu'il y a quand même quelques petits changements au niveau du moveset des Matadores. C'est pas plus mal, ça fait un peu plus enfantin. Après, j'ai pas l'impression que le personnage d'hispanique, mais hispanique d'Espagne, passe excessivement bien, même dans une ville comme Miami, qui est pourtant très très branchée, hispanisante. En dehors de ça, Torito, bon, le nouveau Hornswoggle. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu... Ouais. Mais ouais. Ah bah c'est sûr que c'est pas comparable, c'est l'ancien Mascarita Dorada, ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de regardable quoi. Bon sinon, qui a un avis là, rapide évidemment sur ce match, ça va pas trop s'y attarder. Renaud. Parler. Ouais, rien d'exceptionnel. C'est dommage parce que c'est quand même deux teams avec beaucoup de talent, c'est quatre bons catcheurs, mais bon ils avaient pas beaucoup de temps. Bon, ils ont fait leur job, mais ça s'oublie très vite. J'ai pas grand-chose à dire dessus, hein, franchement. D'ailleurs, il y a aucune réaction auditeur, voilà, comme quoi. Ouais. Le seul match de la soirée, je crois. Non, il y a un autre match aussi. Non, ah si, il y a une réaction. J'ai fait des comptes. Mais je vais rester avec toi, alors, avec le match pour le titre poids lourd qui voyait le retour de John Cena, qui était censé être absent pour 4 mois, soit jusqu'à la fin de l'année 2013, et qui revient là, donc on était le 27 octobre. Pour affronter ton chouchou Alberto Del Rio, le porte-drapeau des Mexicains, et John Cena a gagné en 15 minutes 04 secondes. Qu'en as-tu pensé? Ben, t'imagines bien que je suis extrêmement déçu du résultat. John Cena, de toute façon, à chaque fois qu'il revient, lui, pratiquement, il regagne les titres. C'était déjà le cas au Survivor Series 2008 contre Jericho. C'était le titre poids lourd aussi. Il est revenu, il a gagné. Bon, c'est pas grave, à la limite, on s'y attend un peu aussi, mais le combat, sinon, pour revenir vraiment sur la qualité du combat, j'ai trouvé que c'était sympa, sans être non plus un grand combat. Je pense que leur combat référence, c'est peut-être celui à Night of Champions 2011. Ce qui me gêne, voilà, c'est que j'ai trouvé certains moves téléphonés, en fait. Je sais pas, c'était pas ce qu'ils avaient fait, comme ils avaient fait avant, j'ai trouvé... Je sais pas trop quoi dire, c'est quoi, comme l'impression qu'il fallait protéger un petit peu l'intégrité physique de Cena, qui était encore un peu convalescent, peut-être. Ouais, je trouve qu'il revient un peu vite, Cena, un peu beaucoup même. Je sais pas, c'est un cyborg, ce mec. J'en reviens pas, moi, qu'il soit déjà revenu. Del Rio, il sort jamais grandi de ses affrontements contre John Cena, à part peut-être à Vengeance 2011, où il avait affronté Cena dans un Last Man Standing et il avait remporté le match, mais sinon, à part ça, voilà, quoi. À chaque fois, il perd contre Cena, et là, c'était pas un grand match, c'était un combat plutôt sympa, mais, ils auraient pu faire mieux, quoi, largement. Tifo, t'as pensé quoi? Ouais, déjà, comme l'a dit Renaud, Cena, c'est un surhomme, c'est un truc de fou. Le mec, il a quand même une grave blessure au coude, il revient après 2 mois, c'est juste hallucinant. Après, je suis également d'accord sur le fait qu'ils ont voulu protéger Cena. Ça s'est vraiment ressorti dans le match, on a vu que les moves étaient pas réalisé avec vraiment beaucoup d'intensité. Ouais, après, ça reste un match correct, mais sans plus. Un bon petit match de retour pour Cena, on va dire ça comme ça. Après, c'est sûr que le voir gagner le titre, ça fait un peu chier, ouais, c'est vrai. Parce que, comme l'a dit Renaud, dès qu'il revient, il gagne. Et puis du coup, bah, on sait pas ce qui va se passer après. C'est sûr, il y aura un rematch entre les deux. Après, sur quoi ça va partir, c'est plus ça la question. MP, t'as pensé quoi? Ben, je pense que je suis un peu comme le MSG, je trouvais que c'est quand même un bon match, mais un peu comme Tifo, décevant de voir que Sina encore gagne le titre, mais j'ai aussi une petite statistique quand même impressionnante, disons-le, parce que après ce pay-per-view là, on avait Sina et Orton champion. Bon, on a encore ces deux champions-là. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2008, donc il y a 5 ans. Donc on n'a pas vraiment avancé dans ces 5 années-là. Toujours les mêmes faces, les deux mêmes faces en tant que champion, quoi. C'est un peu désolant, quoi. Ah, et toi, alors, t'étais pas du même avis que Renaud, hors base, c'est-à-dire? Bah, moi je suis content que Cena ait la ceinture parce que avec Del Rio elle commençait à prendre un petit peu la poussière et voir Cena avec le titre World Heavyweight, ça va lui redonner un prestige qu'elle a plus depuis très longtemps. Ouh, et un petit miracle, surtout, c'est qu'il revient à SmackDown aussi, il réapparaît à SmackDown. Ouais, c'est vrai aussi, ça risque de faire remonter les ratings et peut-être de remonter un peu l'intérêt du show parce que bah il tourne un petit peu en rond aussi ce show. Et bah, le match, oui, sinon bah le match n'est pas exceptionnel, hein, c'est un match de retour. Le mec lui donne 4 mois pour bien se remettre d'aplomb, on lui dit t'as le temps, de toute façon il y a Daniel Bryan, le mec qui revient quand même en 2 mois. Enfin voilà quoi, c'est. Je sais pas, c'est pas un homme, je sais pas, c'est un truc. C'est un truc qui est fait pour catcher, mais après il a le fait qu'il puisse revenir comme ça, c'est aussi qu'il n'est pas un catch. Enfin, c'est un catch avec lequel tu peux prendre tes assurances assez facilement. Je pense que sur le ring, c'est un peu moins compliqué de faire un match avec Cena que faire un match avec Rey Mysterio ou des mecs comme ça. Genre Rey Mysterio, il est souvent blessé, mais à chaque fois qu'il revient, bah, il se reblesse parce qu'il a un catch qui est forcément un peu plus spectaculaire que Cena, quoi. Alors que Cena, bah voilà, c'est un peu plus safe. C'est peut-être pour ça qu'il peut revenir un peu plus facilement. Ouais. Et puis Ouais, mais il y a pourtant une quelques. blessure au coude. Attends, excuse-moi, Rusty. Oui, Une la blessure blessure au au coude est coude. importante, ouais. Parce que ces prises, les attitudes d'adjustment, justement, le coude, il faut vraiment, il a vraiment besoin de l'aide de son coude. C'est vraiment impressionnant, moi, je trouve, un retour comme ça. Ouais, mais c'est un Ouais. risque calculé, peut-être qu'ils ont l'habitude à force avec lui, ils ont testé déjà avant, bah fait tester volontairement. Ouais, mais John Cena, il s'est Depuis. blessé, il a eu plusieurs grosses blessures importantes, il est Oui, toujours voilà. revenu plus vite que les autres, hein. Il s'était brisé aussi la nuque, hein, au C'est sûr. SummerSlam 2008 Mais contre je crois qu'ils Batista. en avaient vraiment besoin qu'ils reviennent aussi vite, sachant que les Survivor Series seront à Boston. Et voilà, je pense Ouais, qu'ils c'est préfèrent fort revenir en possible. Non, mais champion là, à tu sens qu'ils Boston. ont, ouais, ils ont précipité la chose. Ils ont eu bien sûr le feu vert. Attention, c'est pas non plus un truc de suicidaire qui s'est passé. Ils pouvaient revenir, mais ils ont essayé de précipiter la chose, d'avoir John Cena en pay-per-view. Et Ouais, puis il joue clair. là-dessus aussi. C'est un bon fil pour relancer un petit peu Cena et puis faire peut-être perdre face à des mecs face auxquels tu penserais pas qu'il pourrait perdre. C'est Tu vois possible. comme par exemple à Raw le lendemain quand j'ai vu le médecin qui était comme ça tout près, je croyais que c'était lui qui allait arrêter le match quoi. Donc bon, il y a moyen de faire quelque chose de donner le titre à quelqu'un d'autre sans que ça fasse baisser Cena, tu vois. Tu vas sans toucher la précieuse aura de Cena, quoi. Ouais. Mais Verpat a été troublé par cette aura de Sina imbattable. Bah, je trouve que revenir maintenant, c'est quand même un peu suicidaire parce que bon là, ok, c'est pas les ratings sont pas exceptionnels comme le dit MP sur le chat de l'émission, mais bon revenir maintenant, si il appuie un peu trop sur son coude et que ça casse au mois de décembre ou au mois de janvier, ils sont morts pour WrestleMania, donc ça reste quand même WrestleMania 30, donc c'est un spécial, c'est quelque chose qui marque. Moi je pense surtout à ça parce que quand on voit CM Punk qui est quand même là a pris très peu de pause depuis 2-3 ans, on voit que physiquement il commence à être à bout, il aurait besoin de 3-4 mois de pause. Je pense que Cena on n'est pas très loin aussi et je me demande si l'effet combiné des Rafsings très moyens manque d'un très gros face et le fait bah, de l'aura de Cena en elle-même, ce soit pas vecteur d'un retour beaucoup trop tôt quoi. Donc après sur le match en lui-même, Del Rio s'en sort très bien. Hein. Je pense qu'il mériterait tout à fait la ceinture World Heavyweight, qui lui va très bien puisque c'est un champion, on va dire un peu secondaire. Il n'a pas l'aura d'un champion WWE de base. Et voilà. Non, mais je pense que vraiment Del Rio, sur le coup, il se fait un peu avoir parce que je crois que ça fait déjà 2 ou 3 fois à chaque fois qu'il est champion, il y en a toujours un qui revient de blessure et qui au premier match, sans une grande feud, une feud expédiée en 15 jours, qui lui pique le titre, quoi. Je pense qu'à sa place, il y a de quoi Ah être oui. blasé quand même. Parfois, il a des circonstances comme ça, comme oui, même bon, quand il a été battu par Christian, c'était plus par rapport à Edge, bien sûr, on le sait. Et voilà, c'est sûr qu'il y a des circonstances qui Mais sont. le personnage est un échec, hein. Bon, après, c'est Alberto sûr, Del Rio, il a pas de réaction, c'est ça le problème. c'est un échec à la WWE. Pour moi, c'est un gars qui n'a pas enfin, qui peut pas vraiment faire plus et qui a pas le, en fait, qui a pas le calibre pour la WWE, tu vois. C'est un mec qui sait très bien catcher, mais à qui manque quelque chose. Un Je sais échec pas. pour un mec qui est capable de faire un speech de 15 minutes en début de SmackDown ou en début de Raw, qui est capable de faire des matchs contre Cena de bonne facture, Non, c'est clair. c'est pas Sin Cara non plus, hein. Ouais, faut pas déconner non plus. Il a pas de réaction, mais pour un champion poids lourd, mais sinon, quand même, il a quand même la Moi, c'est qualité pour bien figurer, mais. Quand tu regardes le palmarès qu'il a, il est arrivé en 2010, il est arrivé fin 2010, quand tu regardes le palmarès qu'il a, il y en a beaucoup qui n'ont même pas eu en 15 ans de carrière à la WWE. Tu te dis quand même que le mec, il a quand même eu des pushs et des gros matchs, il a battu quand même les top stars de la fédération. Mais est-ce qu'on va s'en souvenir vraiment d'un gros match de Del Rio? Mais regarde, hors base, bon, je veux pas lancer un débat de 30 ans, mais c'est un gros problème qu'a la WWE en ce moment. Tu vois, ils ont fait revenir John Cena là. Par rapport aux ratings aussi peut-être, mais c'est un gros problème. Chaque WrestleMania, il faut qu'il y ait des anciens qui reviennent. Ils peuvent pas vendre sur les noms de maintenant. Ils peuvent pas vendre sur leur main eventer actuel. Ils peuvent pas vendre sur Sheamus. Ils peuvent pas vendre sur Del Rio. Ils peuvent C'est un pas. problème avec Brock Lesnar, avec le retour de Brock Voilà, on a Lesnar. eu le retour de Brock Lesnar contre Triple H. Il y a quand même un souci. Il y a un vrai souci. À l'époque, c'était pas possible ça. Il y avait pas les anciens qui revenaient. T'avais pas le retour de Teddy Biasi, senior, je parle. T'avais pas le retour des gars de Oh, l'époque, tu m'as fait de peur. Jim Snuka, ou t'avais pas le retour de Roddy Piper pour un match. Il était peut-être là vite fait en intervenant dans un match comme Piper l'avait fait à WrestleMania 19, mais il était pas Hogan là. aussi, mais bon. Oui, ou Hogan qui faisait des fois un match. Bon, lui, à la limite. Mais t'avais pas les anciens qui revenaient vraiment pour un match. Et là, tu sens qu'à chaque WrestleMania, chaque année, il faut qu'il y ait bon, ben, ils essaient d'avoir le Rock. Peut-être il y a des rumeurs sur Austin. On a des rumeurs. Il faut qu'il y ait à tout prix Taker, tu vois. Tu sens qu'ils peuvent pas vendre sur des gars comme Sheamus, sur Del Rio, alors que ça devrait être leur top star du moment. C'est un vrai problème à la WWE. Ça, c'est un vrai problème. Et Ils l'ont le pas encore problème, réglé. un autre problème aussi, c'est de sacrifier Ziggler, Ah, comme mais ça, carrément. il est enterré depuis des mois, Complètement. depuis sa commotion cérébrale, on l'a enterré, enfin sa commotion cérébrale, je sais pas si c'est ça. Oui, si c'est ça, oui. Si c'est ça. Et enfin voilà, quoi, on l'a enterré sans aucune raison, alors que le mec avait quand même une pop de malade, enfin une pop de malade, j'exagère, mais il avait une bonne pop, il avait de bonnes réactions, et on l'enterre au lieu de le coucher. Enfin, je sais pas. Le mec a le talent, il a, enfin voilà, il a tout pour réussir, et on l'enterre. C'est par exemple comme ça aussi. Et avant, ils avaient plus de temps dans la construction. Tu sentais, moi, j'ai connu quand même Steve Austin à ses débuts à la WWF. Je peux te dire que la première fois que j'ai vu ce gars, je me suis dit, il sera pas champion de la WWF, sûr. Et il a pris du temps et c'est monté crescendo. Finalement, c'est devenu une top star. Pareil pour le Rock. Tu regardes les premiers combats du Rock, c'est horrible à voir. Tu regardes son combat à WrestleMania 13 contre le Sultan, c'est catastrophique. Tu regardes ses premiers combats de 97, c'est terrible. Finalement, le mec est devenu une top star là. C'est trop dans l'action, c'est trop dans la réaction. Ils n'ont pas le temps à chaque fois de construire une big star. Ou alors, s'il a construit, ça prend pas quoi. C'est un vrai problème. C'est un problème de compagnie, de booking. Hein. Je pense Ça, pas c'est que ce genre soit. Ryback. Ben, Ryback, c'est aussi un cas. Hein. Franchement, on va pas en refaire encore un débat, mais Oui. c'est un vrai problème. Un vrai Puis de l'autre problème. côté, on a le gars comme Randy Orton qui peut faire le guignol autant qu'il veut une fois par an. Il se fait prendre pour un truc, toujours un fait divers à la noix. Et toujours, dès qu'on a personne, on met toujours un petit règne pour Orton. On a l'impression que depuis 5 ans, il n'y a que lui. C'est toujours ça. Tout lui est pardonné. Alors que de l'autre côté, on a des petits gars, je pense que Ziggler, on peut le mettre en comparaison avec Zack Ryder. C'est le genre de gars qui est pas forcément dans les petits papiers dans les petits papiers de la production, mais il y a une telle ferveur du public que de toute façon, on est obligé de le monter. Mais en fait, comme la production ne le désire pas vraiment, bah on le monte un petit peu, puis dès qu'il y a un seuil fatidique à augmenter, paf, on le lâche, et quand on voit que ça s'essouffle, hop, c'est fini. Ah, c'est vrai que c'est un débat récurrent. Bah, c'est très bien de l'avoir soulevé ici. Bah, on espère vos réactions d'ailleurs. Parfois, il y a de quoi développer, je pense, dans le futur. Et puis, on va voir un petit exemple d'ailleurs de ça, peut-être d'élan stoppé, juste après les réactions auditeurs, avec Sébastien qui a dit qu'il ne comprend pas le choix de faire gagner à Cena le titre des premiers soirs. Le mieux aurait été de faire durer la feud un mois de plus et de faire gagner Cena chez lui lors de Survivor Series. Il aurait pu gagner par DQ ou count out. Là, et en soi, le match était convaincant, c'est un truc classique. Grégoire Rousseau qui dit que le match était moyen, surtout sur le fait que s'il remporte la ceinture, il n'aimait pas tellement Del Rio, mais perdre comme ça, il serait pas ravi. Il y aura peut-être une histoire qui va se déclencher derrière, mais il fallait bien signer le champion à Boston pour sa série. Et Grégory Gourdou qui dit match moyen, retour du Superman. Sina dominé dans le match, et comme d'hab, il retourne la situation, c'est banal. Il est quand même surpris du changement de ceinture. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir rebondir un petit peu sur Raw avec en ouverture bah, Damien Sandow qui a encaissé son contrat et qui l'a perdu contre John Cena. Vous en pensez quoi? Bah, je voudrais revenir sur le fait qu'on prenait pas de risque avec Cena. N'empêche, bah, le cashing, il lui a... Enfin voilà, quoi, ils ont fait un segment où il lui dit « Molly, mouche le bras, bon, je sais que ça tape à côté, qu'il y a des trucs comme ça, etc. » Mais bon, voilà, d'entrée, ils prennent direct le risque de jouer cette blessure, etc. Voilà, hein, et puis bon. Après, le match était très costaud, assez plaisant, mais très très mal amené, parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui cash in, et juste après, il y a une pub. C'est-à-dire, j'annonce mon cash in, et genre, sans complexe, il y a une pub. C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce timing à la noix, quoi? C'était terrible. Et puis pendant le match, il y a eu aussi deux pubs. Enfin, je sais pas. Ça a cassé le rythme. Alors que le match était vraiment très très très intense avec notamment Damien Sandow qui a fait un travail très solide. Et c'est très très plaisant de pouvoir dire ça parce que voilà, c'est un personnage qui me plaisait plutôt et bah, de le voir. Bon, dans un ring, c'est encore mieux, parce que bon, il était correct sans plus, et là, il est monté à une autre envergure avec ce match. Ouais, ben justement, là, les autres avis éventuels, vous pensez que ça peut aider Sandow, là Moi, je pense déjà que Sandow, il a été mal booké, même quand il avait la mallette, tu sentais qu'il voulait pas le mettre champion, parce que... Il a perdu beaucoup. Totalement ça, c'est clair. Ouais, il avait pas les épaules, tu sentais vraiment qu'il faisait rien pour le mettre en avant, c'est peut-être qu'il va attendre un an, peut-être ça va être loin, parce que tu sentais pas venir le truc maintenant, c'était pas possible. Et là, bon, ils l'ont fait encaisser finalement, ils loupent, j'ai pas vu le combat moi, j'ai pas encore vu, donc je peux pas parler sur le match. Mais je trouve aussi que Sandow s'est amélioré quand même. Sur les derniers temps que je l'ai vu, je trouvais aussi déjà que c'était bien. Donc si Orbaz dit que c'est bien contre Senna, bon, bah, je le crois, c'est très bien. Mais j'attends de voir pour la suite, je suis assez déçu aussi pour lui quand même, parce que c'est un catcheur que j'apprécie. J'espère qu'il aura un bon avenir quand même à la fédération. D'accord avec toi. Mais le non-push, lorsqu'il a une mallette, c'est comme le Miz. Hein. Le Miz, il y a 2-3 ans, c'était pareil. Hein. Et le Miz, il en est où aujourd'hui? Tu vois, plus bas que terre, et après, il a fait un méga run de champion. Donc, on n'en est jamais sûr. Mais là, le fait de manquer un cash, indubitablement, tu rentres dans l'histoire comme étant un raté. Il manque son cash contre le mec qui avait manqué le premier cash de l'histoire. Ouais, c'est un peu l'ironie. La boucle est bouclée. On pourrait aussi nommer Jack Swagger, Dolph Ziggler, qui ont eu des passages de merde avec la mallette. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils sont très hauts aussi quand on regarde leur position sur la carte. Le premier cash-in de CM Punk était pas très bien fait. Hein. Ah oui. Enfin, son premier règne de champion du monde, il était terrible. C'est clair. Voilà. C'est le deuxième qu'ils ont réussi à bien faire avec notamment le cash-in sur Jeff Hardy. Mais bon, en fait, le problème en plus, c'est que maintenant il y a deux mallettes, il y a deux mecs à gérer. Généralement, on en privilégie un qui cache assez rapidement. Et du coup, bah voilà quoi, ça laisse un petit peu le deuxième sur le côté. Et c'est un peu moche. Oui, c'est très prononcé ça. Je sais pas ce que t'en penses, Tifo. Bon, sans avoir vu, mais t'en penses quoi? Ben franchement, je sais pas trop parce que moi, je m'attendais à. Je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure, en fait. Je pensais vraiment que le cash serait venu quand même dans plus longtemps, en fait. Je pensais vraiment que Sandow aurait fait un cash habituel, on va dire, dans le genre en mode fouine, quelqu'un est pas en état de se battre, il cash et il gagne le titre. Honnêtement, moi, j'aurais pensé qu'il aurait pris le titre un peu plus tard. Bah, maintenant, c'est fait. Enfin, il a eu une belle mallette. Puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on va retenir. Petite mallette a été jetée. Enfin, il y aurait une rivalité avec Cena, à mon avis. Hein. Il y aurait, à mon avis, une grosse rivalité avec Cena pendant au moins 2 mois. Ouais, ça mais d'abord, Cena, hein. Faut qu'il ait son rematch. Jusqu'au Royal Rumble. Voire même jusqu'au Royal Rumble. Ouais, mais après, ça passe. À mon avis, il y aura soit ils vont faire un triple threat directement, parce que Damien Sandow va être un peu intrusif, mais ça sinon passe, ils vont le faire un petit peu attendre jusqu'au Royal Rumble, et enfin jusqu'au Royal Rumble ils vont faire cette rivalité à mon avis. Ah mais je trouve ça un peu con, parce que s'il a un rematch contre Del Rio, après ce serait Sandow qui reviendrait à la charge, ce serait un peu mal foutu on va dire quand même. Ouais mais là bon, pour avoir vu les spoilers de SmackDown, apparemment c'est plutôt Sandow qui va en rivalité avec Cena directement. D'accord. Ah ouais, on va voir. Petit avis de Sébastien qui disait qu'il avait prédit lui ce cash le lendemain de Hell in a Cell, surtout un cash raté, et il espère que Sandow va en bénéficier à travers une évolution peut-être plus agressive de son personnage, un push qui aurait comme point de chute le cash raté, mais finalement ben Sandow est déjà enterré sans avoir réellement eu sa chance. Ça rejoint un petit peu le débat de tout à l'heure. Et bravo à Seb d'avoir trouvé quand même, hein. Franchement, ouais, visionnaire le monsieur. Ben oui, ben c'est vrai que vous ne croyez pas. Ouais. Moi, j'attends des 2014. Non, mais bon. Enfin, bon, on peut passer sur le match, sur un peu plus de douceur, mine de rien, après ce monde de brut, là, avec le match des Divas, ou quoi que. Ah, avec le match des Divas entre Edge Lee et Brie Bella pour la ceinture Diva, et Edge qui a encore conservé, par soumission après 4 minutes 47. On va aller rapidement. Bon, petite réaction rapide de Sébastien qui est content pour Edge, qui reste la meilleure Diva à ce jour, du main roster en tout cas. Qu'un pense vers pas. Faut dire qu'il y a personne en face aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec c'est les... pas faux, ouais. C'est le désert AJ absolu battu le au milieu du Sahara. Donc AJ s'en sort très bien parce que bon, elle est largement au-dessus. Même si les Brie Bella, elles ont un personnage en dehors du ring qui est tout à fait potable. Sur le ring, ça reste assez limité. Bon, c'est vraiment un combat très classique hein, de conservation de titre. Hein. Rien de bien exceptionnel. Bon, mais après ce petit tampon approval de Verpa, je pense qu'on peut tout de suite passer au main event, je pense en transition. Ouais. Ah, mais, merci en base. Avec voilà. le titre de la WWE en jeu dans une Hell in a Cell, là aussi. Shawn Michaels se désigne arbitre après un sondage contre Booker T et Bob Backlund. Ben, il a permis à Randy Orton de battre Daniel Bryan en 21 minutes 44 secondes. Il y a enfin un champion à la WWE, le titre n'est plus vacant. Qu'en penses-tu en base, justement? Ben, c'est un peu décevant de voir que ce qui est prévu, ce qu'on voit arriver, arrive, et de la manière qu'on pensait que ça allait arriver. C'est vrai que là, petit aparté, enfin, en live, sur Skype, j'avais dit avant le début du match que Shawn Michaels avait frappé le footing music à la fin et que Bryan allait perdre. Voilà. C'était un peu prévisible, c'était un peu, enfin, voilà, on l'avait arrivé à 3 km. Après, bon, faire peut-être impliquer Triple H, c'était peut-être ça qui était un petit peu original, même si, bon, ben, voilà, on voit Shawn Michaels qui veut pas intervenir, mais qui reste le meilleur pote de Triple H, donc voilà. Enfin bref, on essaye de faire une sorte de petit débat dans la tête de Shawn Michaels, enfin voilà, qui sait pas trop où se mettre et qui finalement préfère claquer son élève que son meilleur pote. Donc bon bah c'est pas un mauvais match, je l'ai bien aimé personnellement, j'ai bien aimé le match en général. C'était un bon match sans plus. L'utilisation de Shawn Michaels en tant qu'arbitre spécial est toujours très bonne. Ça m'a rappelé aussi son utilisation en tant qu'arbitre dans le Hell in a Cell de WrestleMania 20. 28, ouais, j'ai failli dire 29. j'ai failli me faire taper sur les doigts. Bref. Voilà, et enfin voilà, ça m'a rappelé cette utilisation là où il est un petit peu tiraillé entre les deux mecs qui est sur le ring. Ouais, c'est bien fait, enfin ça reste bien fait, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et MP bah, qui fait référence au segment du lendemain à Shawn Michaels qui a dit à Bryan en même temps hein, c'est la dure vie, hein, c'est la dure réalité, et Bryan qui lui a infligé le yes lock, faire le no lock, on sait pas trop comment l'appeler, mais voilà, très excité par un éventuel combat quand même entre Shawn Michaels censé être à la retraite et Bryan. T'as pensé quoi du match et éventuellement de cette perspective alors? Ben j'ai trouvé le match pas mauvais jusqu'à temps qu'on arrive à cette fin un peu téléphonée. Ouais, un peu téléphoné et un peu raté selon certains parce que oui, Switching Music apparaît un peu botché quand même. Hein. Carrément. Puis on a manqué, je trouve, de l'action à la caméra. Des fois, on voyait pas trop ce qui se passait. Bon, Triple H qui arrive, avec Shawn Michaels qui va y parler, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Le match a subi vraiment les effets de ces interventions-là, quoi. Parce que je trouvais que c'était quand même un bon NSL avant que tout ça arrive. Puis finalement, ben, on ressort avec un sentiment de, on est un peu déçu de ce pay-per-view, quoi. Si j'ai payé 55 $ pour ce pay-per-view-là, ben, je suis un peu pas mal déçu quand même. Donc, tout ça va amener le lendemain au segment que tu as parlé, Bosti. Puis, si on peut vraiment se poser des questions sur est-ce que vraiment HBK est à la retraite pour y rester, quoi? Parce que la retraite dans le monde de la lutte, on s'entend que c'est pas toujours. On peut revenir à l'action, quoi. On a juste à penser à On se des mecs comme souvient Terry avec Funk qui est revenu, je sais pas combien de fois de la retraite, mais Flair aussi. Et Flair Flair aussi. à la TNA, voilà. Mais bon, j'ai vraiment hâte de voir si. Ben, je trouvais que HBK était pas mal. Bon, il avait l'air de pas vouloir revenir dans le ring, mais là, avec ce segment-là du lendemain, puis ce yes-là qui était porté contre lui, j'ai vraiment l'impression qu'on s'avère vers quelque chose entre les deux. Puis je pense que ça pourrait vraiment être un angle cool entre les deux, quoi. Un teacher student en 2013 entre HBK puis Brian, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de cool à voir, quoi. Et en tant que fan, bon, vous l'avez compris, c'est un petit peu ironique de Shawn Michaels. Verpa, t'as pensé quoi du match? Surtout que Shawn Michaels a peut-être un petit peu volé la vedette finalement. On voulait la volée? Non, peut-être pas. C'est peut-être pas vraiment le match où il s'est plus mis en avant. Mais je pense pas que c'était vraiment utile de le refaire revenir pour un match pareil, quoi. Ok, la victoire d'Orton est pas illogique, mais vis-à-vis de Daniel Bryan, c'est assez tendancieux. Mais on voit bien que plus que le match en lui-même, moi je retiendrai plutôt les perspectives que ça ouvre en fait. Parce que ça ouvre vraiment des possibilités de ligue, de coalition, avec d'un côté plus populaire autour de Daniel Bryan et de l'autre un côté plus aristocratique, plus corporate, avec Triple H et les McMahon et Orton et tout ça. Je pense que ça peut nous faire une bonne grosse guerre entre le petit face au méchant, le pauvre face au riche. Je trouve que vraiment ça ouvre beaucoup de possibilités. Et même si c'est peut-être pas un match extraordinaire dans le ring, en termes de possibilités, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et Tifo, t'as pensé quoi finalement de ce match? Mais du coup, ouais, bah en fait, la fin, elle est totalement prévisible. J'ai l'impression que ça se répète tout le temps, en fait. À chaque fois qu'il y a Shawn Michaels en arbitre, il intervient tout le temps, quoi. Il peut pas rester sans rien faire. C'est ça qui ressort, moi, principalement. Et ouais, le switching music est vraiment bien botché, c'est clair, on peut le dire. Après, je m'attendais pas vraiment à ce qu'il foute sur Daniel Bryan. Mais enfin, après, ça suit la logique. Il défend son pote qui est Triple H. Il suit ses ordres, entre guillemets, on va dire. Voilà, je retiens pas grand-chose de ce match parce que c'était pas non plus un match exceptionnel. Ça reste décevant pour un Hell in a Cell. Après, Orton qui prend le titre, ça va encore continuer la feud avec Daniel Bryan, je pense. Donc, à voir, mais je trouve que mine de rien, ça traîne en longueur. À chaque fois, on dit ça va être quelque chose d'énorme, ça va être quelque chose d'énorme, mais pour le moment, c'est pas super top, quoi, on va dire. Et il y a MP là qui fait référence au perso agile de Shawn Michaels qui s'est dévoilé et depuis longtemps, hein, ça faisait depuis la feud contre Hogan lui fait référence. Ouais, c'est ça, MP 2005, c'est ça. Le faux retour de Bret Hart, voilà. Ouais, je m'en souviens. Mais là, les gars, on est en train de parler depuis tout à l'heure de la fin, c'est normal, hein, parce que bon, c'est la fin du show, puis il y a tout ce tralala entre Triple H, Ah mais Michaels, cette Bryan. fois-ci, les gens, ils ont acheté et ils ont eu un champion. Cette fois-ci, ils ont eu un champion, mais on parle pas du match en lui-même, parce qu'il y a pratiquement rien, quoi. Putain, c'est Bryan contre Orton, c'est le main event. La cage, encore une fois, elle sert à rien. Moi, je vous dis que la PG Era, elle a tué complètement le Hell in the Cell. Le pay-per-view, il s'appelle Hell in the Cell. Les deux combats en Hell in the Cell sont pas bons. Alors, il y en a peut-être un qui est meilleur que l'autre, c'est sûr, c'est le main event quand même. Parce que bon, l'autre, voilà. Mais depuis 2009, et depuis l'invention de ce pay-per-view, hein, pas du Hell in the Cell en lui-même, mais depuis l'invention de ce pay-per-view, ce concept-là, ça a tout niqué, quoi. Le dernier gros Hell in the Cell, c'est le Edge contre Undertaker au SummerSlam 2008. Ou alors, bon, on peut compter celui aussi de WrestleMania, mais là, c'est à part, entre Triple H et Taker. Mais sinon, chaque année, c'est pareil, quoi. Chaque année, on a des Hell in the Cell pourraves. On a des Mais il me semble que c'était le dernier pay-per-view où c'était un où, enfin c'était le dernier Hell in a Cell. Il me semble qu'il va disparaître l'année prochaine. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Je trouve que c'est bon. Sur un plan totalement personnel, j'aime pas beaucoup les concepts de pay-per-view à thème. Je trouve que des fois ça tombe très Mis à mal. part celle-ci. Pour moi, TLC, c'est vraiment, TLC, c'est vraiment le seul correct. Parce que c'est fin d'année, généralement, bon, ça offre, bon, peut-être des rivalités un peu plus secondaires. Qui valent pas à WrestleMania, mais je trouve que c'est bienvenu en général. Voilà, Chamber, ça va. Non, mais sinon, je trouve que des fois, ça doit venir parce que c'est le mois qu'il veut et ça vient pas selon l'intensité de la feud. Ça me gêne un peu que des fois, voilà, avant vraiment, le Alice de Cell, quand il arrivait, bon, bah, c'était un truc, bon, à la limite, c'est vrai que sur le Brian Orton, ça peut arriver, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est en PG, ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant, la cage, elle sert pratiquement à rien, quoi. Ils se font deux projections à la limite dans le match. Non, mais c'est un simple no disqualification, quoi. Voilà, on est totalement d'accord, je suis totalement d'accord avec toi, mais, je vais dire ma phrase, mais c'est grave. Ah, je l'ai dit. Elle nous a manqué celle-là. Elle m'a manqué. Ça fait vraiment mal de voir des lignes de sel de cette qualité-là et ça se répète chaque année, quoi. Ça me gêne beaucoup, vraiment. Ouais, je suis totalement d'accord. Ah ouais, le pay-per-view s'appelle lignes de sel, les deux combats lignes de sel, ils sont pas potables. Tu prends ceux de l'année dernière, c'est grave. Voilà. Tu prends les autres d'avant, c'est grave. Je veux dire, au bout d'un moment, ça gonfle, quoi. Donc, ils arrêtent ce concept-là. Est-ce qu'il y a un seul bon Hell in a Cell parmi ceux qui sont dans ce pay-per-view? Bah, moi, il n'y en a aucun qui m'ont marqué, personnellement. Il n'y en a aucun qui m'a marqué non plus. Moi, je dirais que celui qui me revient à la limite, et je le dis vraiment à la limite, hein, c'est pour moi, c'est le Sheamus Randy Orton. Et c'est à la limite de la limite. Mais sinon, à part ça, on a eu un Henry contre Randy Orton. C'était pas super. On a eu un Punk. Undertaker, c'est pas super. À la limite, il y avait eu Legacy contre DX. Bon, il y a ça, match correct. Moi, j'aurais retenu la Punk Del Rio Cena en three-way qui est pas mauvais. Qui est pas mauvais non plus, mais bon, après ça dépend des goûts. La cage n'est pas non plus excellente. Hein. Voilà, après ça dépend des goûts. Juste, je dis que tu regardes les Lines de Cell avant 2008, tu regardes les Lines de Cell à partir de 2009, ça a rien à voir. C'est ça. Là, tu vois, par exemple, le match Brian Orton, ça se résume à une chaise. En objet, il n'y a qu'une chaise qui est sortie. Attends, franchement, quoi. Après, c'est dommage aussi. C'est grave. Ils ont raté un petit peu leur spot des chaises aussi parce que la souplesse arrière n'a pas atterri. Les chaises étaient trop loin. Voilà. Ils touchent des pieds. C'est dommage. Ouais. Non, mais même après, pour Ryback, c'est pareil. Il n'y a qu'un stick qui est sorti et une table qui est brisée. Non, c'est pas suffisant, quoi. Ouais. We want tables. Ouais. Ouais, là, le public l'a eu, mais une table. Ouais, une table et un stand. C'est pour ça qu'on donne tables au pluriel, bordel. Enfin bref, c'est terrible, quoi, ça. Ça fait Verpa, ça c'est vrai. Et oui, Verpa, un petit peu, là, comme ce qui s'est dit que si on était vraiment méchant, ça pourrait devenir un ennui in the cell. Joli jeu de mots. Voilà. Mais des avis un peu plus positifs au niveau des auditeurs sur le main event. Grégoire Rousseau qui a dit que c'était un match sympa, même si la cage aurait pu être mieux exploitée. Une bonne fin en tout cas, il est content de voir Shawn Michaels encore dans le mauvais coup. Sébastien qui a dit qu'il avait apprécié l'affrontement et le côté psychologique et quelques spots de qualité. Ah ben lui en a vu. Donc quoi, elle a fait un overbooké était ultra prévisible et la décision de ne pas donner encore le titre à Brian est meilleur choix, car meilleur choix est qu'il gagne le Royal Rumble et obtient la victoire. Tant attendu à WrestleMania qui efface sa fameuse défaite en 18 secondes. Voilà, bah lui, il voit vraiment le long terme et il est surpris que HBK ait traduit Brian. Il pensait qu'il allait pour une fois dans sa vie rester impartial en arbitrant un match. Oula. Ouais, il voit en long terme, mais moi, depuis le début, SummerSlam, je dis ça aussi. Hein. Pour moi, Brian gagne le Royal Rumble, gagne à WrestleMania. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. En fait, une top star, mais une top star de l'infini, quoi. On en a parlé récemment comme d'un parcours à la Steve Austin. Après WrestleMania, il sera impétronable, non? Ouais, mais bon, avant de mettre Brian tout en haut de l'affiche, je pense qu'on aura AJ Hall of Fame. Hein. Parce que Daniel Bryan, je pense qu'il a encore largement de quoi descendre. Il peut se passer plein de choses. Hein. Bon, c'est tellement mouvant quand on voit un Swagger qui était au top il y a un an et qui maintenant est tout au fond. Il suffit que Daniel Bryan ait une petite blessure ou un passage à vide et je pense que ça peut le faire descendre. Il aura toujours le public avec lui. Il a un chant qui marque, qui va rester. C'est un truc. Ah mais regarde Ziggler, là c'est en train de baisser. Hein. Pourtant, je l'adorais. Ouais, mais tout le monde. Enfin voilà, moi-même je l'adore. Mais Ziggler, pour l'instant, il n'a pas eu un seul reign marquant. Et c'est surtout au niveau du push qu'on n'a rien fait. Là, Daniel Bryan, il est en train de bénéficier du push qui lui manque pour rester en haut de l'affiche. Il a du push, mais alors les règnes, pour l'instant, il n'est pas gâté. Hein. Ouais, mais à mon avis, on verra. Oui. Oui, il y a bon. Du Jeff Hardy. Oh là là. Bon, c'est un peu loin, je trouve, mais. C'est, mais... c'est moche. Mais. Si, il avait jamais de poil, Jeff Hardy, il avait toujours des règnes à la noix. Non, mais bon, on verra. C'est encore un peu le début de la carrière de Bryan, même s'il est là depuis déjà 2 ans. Grégory Gourdeau lui a dit que HBK, en tant qu'arbitre, on savait qu'il y aurait une implication dans le match, et lui, il a trop vu de Orton contre Bryan, il faut du changement. Ça tombe bien, parce que, bah, il y a le Big Show qui traîne dans le coin, même s'il est sans contrat, viré complètement, mais enfin bon. Il y a un tapis de ça. Et puis, Bryan, bah, est parti pour s'allier à CM Punk contre la Wyatt Family, ou alors, bah, on a le 5 contre 5 qui se prépare presque à suivre. On verra bien. Mais d'ici là, on va passer aux notes à, donc, sur 10. On prépare la calculatrice avec la note d'MP. Moi, je donne 5 au pay-per-view. Je suis allé dans la moyenne, quoi. Je voulais pas non plus donner la note de passage, par exemple, donner 6, mais je voulais quand même donner une note pas trop mauvaise parce que bon, il n'y a pas tant de déchets sur ce pay-per-view, je pense, mais on n'est pas encore dans les glorieuses périodes. Par exemple, le Summer of Punk avec ses pay-per-view Magitro, mais bon, c'est pas si mauvais non plus, malgré que il y a pas grand-chose à retenir niveau match, à part l'opener peut-être, puis le NSL qui était final, qui était pas tant mauvais non plus. Puis le Cena del Rio, j'ai quand même eu aussi du plaisir à regarder, donc je donne 5. Moi, je vais mettre la même note que toi, hein, un pay-per-view en montagne russe, mais à la comparaison avec le deux pay-per-view précédents, bah, il est meilleur, forcément. Mais après, sans plus, ça reste moyen, mais 5, c'est pas si mal. Enfin, moi, en général, je casse, donc la 5, c'est pas trop mal. Verpa, t'as donné quoi? 7,25. Moi, je trouve que c'est un bon, wow. Un bon pay-per-view. Ouais, non, mais normalement, je mets des virgules pour embêter Gus, mais là, non, c'est pas la peine. Mais, oui, non, 7,25, si, je trouvais que c'était... Non mais je pense que je fais partie avec Seb des auditeurs et des commentateurs qui donnent des notes facilement hautes. Mais je pense qu'au contraire, Orbaz et Brusty, vous avez plutôt l'impression, vous me donnez l'impression de donner des notes assez sévères. C'est l'exigence. On connaît le pour monter. Exactement. Ouais, voilà. Je suis moins exigeant. Je fais partie des clients faciles à contenter. J'ai même pas encore noté qu'il voit déjà la note de merde que je vais donner. Je te parie 10 euros que c'est en dessous 5. On verra. Tu peux envoyer le chèque? Non, je vais. Tu verras. Non. Je vais pas changer ma note pour toi, mais j'ai déjà ma note. Il est pas vraiment mauvais le pay-per-view. Je vois pas trop ce qui peut gêner. C'est un pay-per-view. Bon, c'est pas le pay-per-view de l'année, mais on a tellement connu pire que je pense qu'il faut s'en satisfaire. Avec un super opener. Dommage qu'il n'y en ait pas un deuxième. Oui. Ben justement, Orbaz, il met le suspense, mais on va attendre un petit peu là. D'abord la note de Tipo. Ouais, moi je vais donner 4,5 parce que c'est Hell in a Cell. Pour moi, ça correspond pas du tout à ce qu'on peut attendre. Les Hell in a Cell ne sont pas bons. On se fait chier devant. Et heureusement qu'il y a eu cet opener. Vraiment. Heureusement. Parce que sinon, ça aurait pu descendre beaucoup, beaucoup plus bas. C'est l'opener pour moi qui sauve vraiment ce pay-per-view. Renault. 4,5. 4,5 parce que ben il y a pas d'Aline the Cell dans un pay-per-view qui s'appelle Aline the Cell et je mets 4 points et puis il y a un match mixte là qui s'incruste qui a rien à faire là en pay-per-view. Je mets 4,5 pour l'énorme opener qui à mon avis va être qui peut être largement dans le top 10 en fin d'année ou top 15 en tout cas voilà, c'est un très très bon match et pour la prestation de Big E que j'ai envie de suivre maintenant voir un peu son évolution. Pour le reste, le Cena contre Del Rio, ça reste correct mais ça aurait pu être bien mieux. Et bon, ben voilà, les lignes de sel, j'ai dit ce que j'avais à dire. 4,5. Et voyons la note d'Orbaz alors. Alors pour gagner 10 euros, je vais mettre 5,5. Non, j'ai quand même. je vais dire 4 aussi. Enfin, je vais mettre un peu moins parce que c'est vraiment pas un peu peur vu que j'ai apprécié. Il y a que le premier match qui m'a emporté. Sinon, devant, ben, je l'ai fait en live au début, je me suis endormi après. Donc voilà, à partir du moment où un pay-per-view, alors que je suis en forme, que je suis en condition pour regarder un show, ben je m'endors devant, c'est inquiétant, quoi. Voilà, ça, c'est un peu saoulant de s'endormir devant alors que t'es en forme et que tu veux voir et tout, etc. Et que tu finis par tomber parce que tu tombes d'ennui. Les matchs sont pas fabuleux et du coup, ben le manque d'action, voilà, ça. Ça m'a un peu tué, et du coup 4. Et les Lunesels sont très mauvais. Enfin, sont très mauvais. L'utilisation de la stipulation est mauvaise, très mauvaise. Paul Heyman qui est totalement détruit dans ce match, etc. Enfin bref, le personnage qui s'en prend plein la gueule, ça m'énerve, et voilà, donc 4. Avant de découvrir la moyenne, la réaction de Sébastien qui a dit que c'était un pay-per-view moyen, on sortira deux pay-per-views médiocres, pas une bonne période pour acheter des pay-per-views, vivement TLC, comme tu disais Urbaz tout à l'heure, qui ne déçoit jamais. Et avant ça, il espère que Survivor Series vont relever le niveau. Grégoire Rousseau qui sort avec une bonne note quand même. Show très sympa, beaucoup mieux que Battleground en tout cas. C'est vrai qu'on avait mal noté Battleground, mais c'était aux alentours du 3-3,5 je crois. Là, c'est, ouais, je pense. C'est 5-0-4. Voilà. Il y a tellement eu d'avis négatifs que je l'ai même pas vu Battleground, et je crois que je vais vraiment l'éviter. Oh bah oui, vous pouvez passer. Enfin, écoutez juste. J'ai juste regardé les résultats. Pose-toi sur le match par équipe quand même, hein, si tu veux, parce que c'est du bon. D'accord. Voilà. Je regarderai. Et donc, 5-0-4 pour ce pay-per-view là, pour Aline Sem. Voilà. Alors, juste Broussi, même si la note est pas fameuse, si nos amis veulent le voir, il est rediffusé le pay-per-view, lundi 4 novembre sur AB1 pour ceux qui l'ont, à 20h40, et puis le samedi 9 novembre, toujours sur AB1 à 22h30. Voilà, c'est les deux dernières diffusions du pay-per-view en VF. Vous mettez de 20h40 à 21h, je pense que match tag team sera passé, et après vous pouvez. Ouais, voilà. voilà, c'est ça, et de 22h30 à combien? À 22h50? Ouais, peut-être pour le main event, non? Non, mais pour samedi 9 novembre quand c'est rediffusé. Ah oui, pardon. Là c'est aussi pour l'opener, quoi. On peut revenir pour le main event, peut-être. Un petit peu, allez. Ah ouais. Par principe. Oui. On va passer aux partenaires maintenant, je pense, avec FN Lutte, Voxcatch, la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch Asylum, Revolt. Vous pouvez nous suivre sur Facebook à Wessos Radio, entre parenthèses officielles. Twitter de Wessos Radio à Wessos Radio. Et suivre aussi le compte YouTube, comme ça plus facilement, de Wessos Radio pour avoir pour écouter plus facilement les podcasts que vous pouvez retrouver sur archive.org et sur iTunes. C'est géré par MP iTunes. J'en profite tant qu'il est là. Également, vous pouvez nous écrire par mail à wessosradio@gmail.com tout attaché en minuscules. Et merci beaucoup pour vos messages, bien sûr, on les a bien reçus en privé, et puis n'hésitez pas surtout à réagir à toute l'actualité du catch. Ah oui, en privé. Ah, voilà, avec les débats, en privé ou même en public, c'est pas... Ouais, c'est pas un souci. Ils vont cacher, et puis n'hésitez pas aussi éventuellement à réagir sur Wessels, par exemple le forum, bien sûr. On attend vos réactions, et puis on vous remercie pour vos réactions. Le prochain podcast, ce sera fin novembre, après sur Survivor Series qui auront lieu le 24 novembre à Boston. La semaine avant Survivor Series, il y aura le Vintage Wrestles qui sera consacré à Survivor Series 1995, avec notamment Renault là qui va nous sortir encore chose, je pense. Donc n'hésitez pas surtout à réécouter les derniers podcasts, surtout pour la vidéo sur iBack. Là c'est bon, on l'a vite passé, mais bon, on en a assez parlé avant. Et puis on vous retrouve le mois prochain, donc merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à réagir, et puis passez un bon week-end, ciao. Bis sur les fesses. Salut les amis. Gold team. see, this a war dance, a victory step. A raw stance is a gift and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dodo. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. In this pop, your lip lock, the big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melt. It seems monetary status is not what matters, but it helps. I rock a timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks. Not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Breck is living life for wealth. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time is up.